l'orgueil dans le sang, la fierté, la force dans le son. La vie a fait de nous des hyènes. On a la violence dans nos actes, l'argent régit nos actions. Le mal a fait périr l'espoir de nos armes. On a la haine du système, les jeunes en péril. Parce que les flics, les procs et les juges, l'État nous divise. On a les armes, mais pas la science des armes. Et on stagne. Soulèvement du ghetto, c'est les hyènes, jeunes en péril. Les jeunes, ils ont construit nos défaites de toutes pièces d'élite française. Depuis le berceau, c'est le père et le jeune tous, numérotés tous. Les victimes, version planète des singes, version carazine de Oud et le blood cool. Monsieur les juges, rien à foutre, on a rien fait, nous pour mériter ça. Beaucoup de fierté avec perte et fracas, mais n'ayez crainte. On est détruit depuis tout petit, on vient juste déposer plainte pour leur putain de mépris, frère. L'école est militaire, c'est la machine à fabriquer des camps. C'est bleu, paix, vente, les profs issus nos putains de colère. Des drogues pour qu'on oublie, des guns, on meurt ici. Du mal à vivre ensemble, des jeunes qui s'entretuent. Hey yo, le chômage ravage dans le ghetto. La réussite sociale nique sa mère, il faut se lever tôt. Frustré et distrait, frère, génération TV. Tentation et violence, Paname, c'est un peu New York City. On a l'orgueil dans le sang, la fierté et la force dans le son. La vie a fait de nous des hyènes. On a la violence dans nos actes, l'argent régit nos actions. Le mal a fait périr l'espoir de nos armes. On a la haine du système, les jeunes en péril. Parce que les flics, les procs et les juges, l'État nous divise. On a les armes, mais pas la science des armes. Et on stagne. Au soulèvement du ghetto, c'est les hyènes, jeunes en péril. Jeunes du ghetto, guette le système te blesse. Jeunes, à l'origine, ils sont prémédités ta perte. Jeunes, ta naissance te met une balle dans la tête. Que tu sois détenu ou dehors, regarde le pied se refermer. Les jeunes et fiers, t'avais un putain de désert. Tu persévères malgré le manque de plaisir. Mets-toi en l'air, jeune, par dépit. Tu veux l'argent, venger tes pères. Mais quand la justice dépile, les flics racistes coopèrent, jeune. Brouiller les pistes avec leur système scolaire. Et tourmentis sur la naissance de l'homme au système solaire, jeune. Anéantis à la couleur de leur colère. Mentis sur ce qu'ils tolèrent. C'est comme un arracheur molaire, jeune. Ton sang l'enverse et nos pays percés, bouleversés. Du camp adverse, faut pas qu'on tergiverse. Le mal exerce et c'est le trou en zone de guerre. Tous en zone de perte, en péril. C'est la jeunesse des blocs fiers, c'est en péril. On a l'orgueil dans le sang, la fierté, la force dans le son. La vie a fait de nous des hyènes. On a la violence dans nos actes, l'argent régit nos actions. Le mal a fait périr l'espoir de nos armes. On a la haine du système, les jeunes en péril. Parce que les flics, les procs et les juges, l'État nous divise. On a les armes, mais pas la science des armes. Et on stagne. Au soulèvement du ghetto, c'est les hyènes, jeunes en péril. Moi les jeunes, pousse ton gun, y'en a marre de fleurir les tombes. Chope une blonde et tu seras intégré comme nous. Faut que tu fasses du foot ou du rap, t'es bon qu'à ça. T'es un chien de la casse, crise urbaine, on change pas une Clio en classe A. T'es de la pire espèce, craint comme la peste. On encaisse sous les apparences, mais on est blessé au fond quand même. Chez nous y'a rien de bon jusqu'à ce que la magie opère. Un coup de boule, une coupe du monde et ma France portée en triomphe. On sera jamais soumis à leur loi, à leur foi, ni à leur patron. J'suis soumis à Allah, on souffre et on veut son pardon. C'est le stress, l'ennui, l'ivresse des taudis. On oublie chaque soir que la France nous a maudits et jeunes. On ressemble à ces enfants des favelas qui tiennent pas en place dans leur trou à ras et chou à ras artisanal. Mon peuple un putain de calibre à la tempe. C'est quoi l'exemple? État, c'est police, bavure et politique des lacans. L'orgueil dans le sang, la fierté, la force dans le son. La vie a fait de nous des hyènes. On a la violence dans nos actes, l'argent régit nos actions. Le mal a fait périr l'espoir de nos armes. On a la haine du système, les jeunes en péril. Parce que les flics, les procs et les juges, l'État nous divise. On a les armes, mais pas la science des armes. Et on stagne. Au soulèvement du ghetto, c'est les hyènes, jeunes en péril.